The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Past. Passé. Gallery. La galerie. To arrange. Prévoir. Huge. Énorme. To regret. Regretter. About to. Sur le point de. To commit. Commettre. Over here. Par ici. Clearly. Décidément. Vernissage. Le vernissage. Make-up session. La séance de rattrapage. Now, a bit faster. Over here. Par ici. To arrange. Prévoir. To commit. Commettre. Huge. Énorme. Make-up session. La séance de rattrapage. To regret. Regretter. Gallery. La galerie. Over here. Par ici. Make-up session. La séance de rattrapage. To regret. Regretter. To arrange. Prévoir. Huge. Énorme. Vernissage. Le vernissage. To regret. Regretter. To commit. Commettre. About to. Sur le point de. Gallery. La galerie. Over here. Par ici. Gallery. La galerie. Over here. Par ici. Now, use the words in context. Passé. Last week was difficult for him. La semaine passée a été difficile pour lui. Prévoir. For my wedding, I've planned to invite a very famous singer. Pour mon mariage, j'ai prévu d'inviter un chanteur très célèbre. Sur le point de. I was about to call the fire department, but then the fire went out. J'étais sur le point d'appeler les pompiers quand le feu s'est éteint. Décidément. Obviously, you like trouble. Décidément, tu aimes les ennuis. Manquer de. I'm really lacking exercise. I'm going to join a sports club. Je manque vraiment d'exercice. Je vais m'inscrire à un club de sport. Prévoir. For my wedding, I have planned to invite a very famous singer. Pour mon mariage, j'ai prévu d'inviter un chanteur très célèbre. Décidément. Obviously, you like trouble. Décidément, tu aimes les ennuis.